La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Relire Zola en ce moment donne le sentiment de l'éternel retour de l'histoire. Dans Le Ventre de Paris, ce roman qui file la métaphore des gras et des maigres, on a parfois l'étrange impression que l'on pourrait mettre certains dialogues dans la bouche des gilets jaunes, lire des allusions au président actuel dans les ricanements sur les fêtes de Napoléon III. Même chose dans l'Assommoir, au dîner organisé par Gervaise, qui a pu pour une fois offrir de la volaille à ses convives, quand Coupeau dit que si l'empereur et eux ont une chose en commun, c'est que pour une fois, ils peuvent être ivres et repus comme lui l'est tous les jours. Et oui, la France a changé, mais Zola, l'écrivain, n'a pas vieilli. On retrouve chez lui la description de la nature humaine au-delà des conditions d'existence sociale. Et le grand écrivain qu'il était continue de nous enchanter par son art consommé du roman, comme nous allons le voir tout au long de cette série. Jeudi, nous parlerons de l'école naturaliste fondée par Zola, ainsi que de son rôle dans l'affaire Dreyfus. Mercredi, nous reprendrons le parcours de l'écrivain à travers les yeux de la sociologue Frédérique Giraud. Enfin, demain, nous parlerons des Rougon-Macquart en nous demandant s'il s'agit d'une peinture réaliste de la société. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer les grandes étapes de la vie de Zola, nous sommes avec celui qui est le grand spécialiste de l'écrivain, Henri Mitterrand, éditeur des Rougon-Macquart dans la Pléiade et auteur d'une biographie de Zola qui fait référence. Elle est en 3 volumes, disponible aux éditions Fayard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Hais les sots qui font les dédaigneux, les impuissants qui crient que notre art et notre littérature meurent de leur belle mort. Ce sont les cerveaux les plus vides, les cœurs les plus secs, les gens enterrés dans le passé qui feuillettent avec mépris les œuvres vivantes et tout enfiévrées de notre âge et les déclarent nulles et étroites. Moi, je vois autrement. Je n'ai guère souci de beauté ni de perfection. Je me moque des grands siècles. Je n'ai souci que de vie, de lutte, de fièvre. Un extrait de Mes haines de Zola, lu par Marc-Henri Boisse. Bonjour Henri Mitterrand. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vient de l'entendre dans cet extrait de Mes haines. Zola était un homme indigné, un homme en lutte, et c'est peut-être ça qui le caractérise, au moins de manière superficielle vis-à-vis de ses lecteurs. Oui, oui, en effet, c'est l'image que l'on garde, à la fois dans les milieux qui se réjouissent de cette indignation et aussi dans ceux qui lui reprochent volontiers d'avoir donné de l'existence et de la nature sociale un visage un peu trop sombre. Dans les deux cas, d'ailleurs, on baptise ça naturalisme, ce qui poserait problème. Mais c'est une figure qui existe, bien entendu. On pense à Germinal, par exemple, mais c'est pas la seule. Et je crains que souvent le discours académique, le discours classique, journalistique, et même le discours universitaire, ne prennent en compte que cet aspect des choses. Au détriment du grand écrivain qu'il était aussi. Ben, contrairement, oui, enfin, à côté, en tout cas, d'une part du grand écrivain qu'il était aussi, et sur lequel il reste beaucoup à dire, du point de vue de son approche de l'être, de la nature, etc. Mais on dissimule peut-être par ce fait un aspect contraire, ou en tout cas voisin de Zola, c'est que c'est un personnage dramatique. C'est un personnage qui, par sa vie, par les épisodes de sa vie, a traversé toutes sortes d'épreuves qui sont bien autres que le combat pour l'affaire Dreyfus, par exemple. Par sa vie et aussi par sa personnalité, parce que c'était quand même un très grand anxieux, parfois un personnage aussi dépressif, qui a eu des moments très durs. Vous avez raison d'évoquer cette dépression de Zola, mais évidemment, elle intervient tardivement. Si on évoquait la vie privée, ce qu'on va peut-être faire, il faudrait évidemment rappeler la crise de personnalité, la crise de vie qu'il a connue lorsque, à 47 ans, il est tombé amoureux d'une jeune femme de 20 ans. Et c'est quelque chose qui a beaucoup modifié sa façon de vivre, de comprendre le monde, et qui peut-être aussi a rejailli sur ses romans et sur ses interventions publiques. Alors on va en parler. C'était un homme qui était sérieux, volontaire, responsable, et quelqu'un dont on imagine mal, c'est idiot bien sûr, mais vous le dites aussi vous-même à votre manière, on l'imagine mal enfant. On imagine même mal qu'il ait pu être un enfant, Henri Mitterrand. Mais on l'imagine mal parce que il n'y a aucun témoignage. Zola n'a pas laissé de mémoire. Dans sa correspondance, il n'évoque absolument pas sa vie privée. Mais comme si l'enfance devait être rejetée. Elle est peut-être rejetée, mais en même temps, elle est pour lui l'objet d'une espèce de drame intérieur permanent. Et ça remonte aux conditions dans lesquelles il a connu cette enfance. Son père est mort quand il avait 5 ans. Mmh. Il est orphelin, non, 7 ans, pardon. Il est orphelin à 7 ans. Oui. Et il est orphelin d'un père qu'il n'a pas vraiment connu, mais qui est une personnalité très forte. Et ça, il va tirer ça derrière lui sans qu'on le sache très bien, quand on lit seulement ses œuvres, toute sa vie. Donc en 1947, il est orphelin. En 1847, pardonnez-moi, il est orphelin de père, puisqu'il est né en 1840 à Paris, dans le 3e arrondissement, je crois, enfin rue Saint-Joseph. Mais sa famille va déménager assez rapidement, suivant précisément le père qui est ingénieur et qui doit construire à la fois des canaux et des barrages dans le sud de la France. Oui, c'est une histoire qui à elle seule pourrait donner naissance à un roman bâti autour de ce personnage assez singulier. Qui est un personnage très romanesque. François Zola, qui est un personnage romanesque par les aléas de sa carrière, on pourrait en parler longtemps. Mais oui, tout ça s'est terminé lorsque le père est mort par un état de une situation très misérable, enfin pas misérable, mais en tout cas très pauvre. Alors on va quand même raconter un petit peu le père, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet Italien de Venise. On ne sait pas très bien, je pense, ou en tout cas on a oublié que Zola a été Italien lui-même jusqu'à assez tard, il a été naturalisé français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le parcours de cet homme, François Zola ? C'est un personnage très intéressant en raison d'une part des études qu'il a faites. C'est un ingénieur qui est passé par l'université, qui a même écrit très tôt un traité du nivellement. C'est un topographe de spécialité. Et puis, qui étant donné qu'il avait fait des études à l'école militaire, est devenu officier dans l'armée française. À l'époque où Venise avait été prise en main par le pouvoir napoléonien et où l'armée italienne était dirigée par Eugène de Beauharnais. Donc il a servi l'armée française pendant 3 ou 4 ans. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, Venise est repassée sous la coupe autrichienne. À ce moment-là, il n'a pas voulu rester dans l'armée où il avait passé quelques temps, et il est parti en Autriche. Il est parti en Autriche avec ses diplômes d'ingénieur. Et là, c'est le deuxième aspect du personnage, le constructeur. C'est celui qui restera jusqu'au bout, d'ailleurs. Oui, puisqu'il est mort sur un chantier. Ah oui, il est mort beaucoup plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard, mais enfin plus tard, effectivement, sur un chantier. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître les épisodes successifs de la carrière de ce personnage, qui chaque fois a créé, a construit. Il a été le premier à construire une ligne ferroviaire en Autriche, en Europe. Et puis, les affaires ont mal tourné, il est parti, et en 1830, il arrive en France. Et la carrière, avec tous ses aléas, recommence. Donc c'est un personnage qui lui-même déjà est dramatique. Et il construit aussi le premier barrage en voûte d'Europe. Donc c'est un peu une célébrité locale, quelqu'un qui est très respecté quand il meurt. Et le petit Zola a, vis-à-vis de son père, une difficulté finalement de communication. C'est pas facile de parler, d'approcher cet homme. Non, il n'a jamais parlé de lui en public avant l'affaire Dreyfus. Lorsque un journaliste anti-Dreyfusard, qui était un journaliste du Figaro à l'époque, si je ne me trompe, a écrit deux articles abominablement calomnieux sur son père. À ce moment-là, il a pris sa défense. Et si on n'avait pas ce texte, on ignorerait beaucoup de ce qu'ont été les aléas de l'existence de François Zola. Alors François Zola s'est marié avec Émilie, la mère de Émile Zola. C'est une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. Elle a 24 ans alors que lui est dans sa quarantaine. À tel point que vous dites que François Zola a deux enfants, sa femme et son fils Émile. Et donc à sa mort, c'est évidemment un très grand traumatisme. L'enterrement, c'est le premier souvenir de Émile Zola dans son enfance, quasiment le seul dont il a aussi parlé. Et la famille qui reste, la mère et le fils, restent donc dans une grande pauvreté, dans un grand dénuement qui va s'accentuer. Et ça, on l'imagine, c'est très très important pour la formation de l'écrivain. C'est très important, en particulier pour sa future figure de révolté. Parce que cette femme a été grugée par une partie des actionnaires de la compagnie du canal qui l'ont complètement dépouillée de tous ses titres. Elle est restée sans fortune, alors que si le père avait vécu, très probablement la famille serait devenue comme une de ces grandes familles d'industriels de la France de l'époque. Mais c'est peut-être pas le plus important. À mon sens, si on revient à cette mort, il me semble que Zola en a été profondément troublé, mais intérieurement troublé, et en particulier parce qu'il a été très vite partagé, au fur et à mesure qu'il grandissait, entre deux sentiments contraires. L'admiration profonde pour un père qu'il considère comme un génie. Il écrira en 1859 un poème, une espèce de d'éloge en vers de l'action de son père. Et en même temps, quand on regarde les choses de près, en particulier dans l'œuvre, on s'aperçoit que Zola va traîner toute sa vie un sentiment ambigu à l'égard de son père. Son père qui est étranger, son père qui est pour une part refusé par la bourgeoisie d'Aix, son père qui a multiplié les échecs depuis le début de sa carrière, et son père qui meurt finalement, qui abandonne femme et enfant. Et on devine les traces de cette espèce de tragédie intérieure de Zola. Et on le devine si bien que lorsqu'il bâtit ses Rougon-Macquart, vous regarderez bien, il y a beaucoup de personnages de père, et tous les personnages de père sont négatifs. Et l'Italie, est-ce qu'il en reste quelque chose pour Émile Zola ? Il n'en reste pas grand-chose sur le plan linguistique. Il n'a jamais parlé italien. Il le comprend tant bien que mal, mais il ne l'a jamais parlé. Mais malgré tout, sur le plan affectif, l'Italie compte beaucoup pour lui. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors on l'a dit, Henri Mitterrand, on ne sait pas grand-chose finalement de cette enfance que Zola n'a pas beaucoup raconté. On peut dire qu'il va au collège d'Aix, le collège Bourbon, de 1852 à 1857. Et là, il se lie d'amitié, c'est tout de même très important, avec Paul Cézanne. C'est une rencontre qui est un petit peu improbable parce qu'ils n'appartiennent pas forcément au même monde, Cézanne et Zola. Notamment, il y a des différences de statut social, de statut financier, et Cézanne va devenir, c'est très connu, le modèle du personnage de Claude Lantier dans plusieurs des romans des Rougon-Macquart, mais en particulier dans l'œuvre où il est le personnage principal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette amitié d'enfance, pour commencer, Henri Mitterrand ? D'abord que s'ils se sont rencontrés à 11 ans, 12 ans, alors que effectivement tout pouvait les séparer, c'est tout simplement parce qu'ils se sont reconnus. L'un ne rêvait que de peindre et l'autre ne rêvait que d'écrire. Et dans ce petit monde du collège d'Aix à l'époque, et en particulier de la classe où ils se trouvaient, ils étaient entourés de fils, d'avocats, de gros paysans de la région, etc. Et très vite, ils se sont détachés de cette enfance ou de cette camaraderie possible avec des gens qui finalement n'avaient pas la même sensibilité qu'eux. Et c'est ce qui explique la naissance de cette grande amitié. Cela dit, pour ce qui concerne le personnage de Cézanne dans l'œuvre, je nuancerai les choses, parce que dans l'œuvre, il y a beaucoup de modèles de peintres. On reconnaît Cézanne par certains aspects, mais la vie que Zola prête à son personnage est très différente de celle de Cézanne. Mais Cézanne s'est reconnue, en tous les cas. Allez savoir. Oui, il est possible que Cézanne se soit reconnu, mais il est probable aussi qu'il a reconnu les quelques traits que Zola avait prêté à son personnage, en particulier le physique, le mauvais caractère, la folie de la peinture, etc. Je ne pense pas qu'il ait ressenti à l'époque ce que les critiques souvent ont dit, à savoir une espèce de mécontentement, de désir de rompre, etc. En réalité, ils n'ont pas rompu, comme on l'a découvert il y a 2 ou 3 ans, par une lettre postérieure à celle que Zola avait reçue de Cézanne. Donc ils se sont simplement éloignés ? Ils se sont éloignés pour toutes sortes de raisons. C'est les raisons de la vie, tout bonnement. Zola a un métier qui lui apporte la fortune. Il appartient au monde intellectuel de Paris. C'est un fou de travail. Il reçoit Cézanne très souvent, d'ailleurs. Plusieurs fois par an, Cézanne vient passer quelques jours à Médan. Mais petit à petit, ça va s'estomper, surtout à partir du moment où Cézanne a décidé de se fixer à Aix. Et entre Paris et Aix, il y a la distance et puis il y a aussi, disons, l'éloignement de la vie. Mais ils ne cesseront jamais de demander à leurs amis des nouvelles l'un de l'autre. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a d'un côté celui qui a tellement bien réussi, Zola, et puis de l'autre, celui qui est resté un artiste pour toujours, enfin pas pour toujours, mais de son vivant incompris. Et on imagine qu'il y a pu y avoir de la rancœur de l'un vis-à-vis de l'autre. Il est vrai que Zola a défendu Cézanne, il a écrit quelques lignes, sinon quelques pages très élogieuses pour Cézanne, tout à fait au début, dans les années 68, 70. Mais il ne croyait pas que Cézanne faisait une œuvre révolutionnaire. Mais, pardonnez-moi, je crois qu'effectivement, il n'a pas bien compris ce que cherchait Cézanne dans son art. Ça ne répondait pas à toute la campagne qu'il avait faite en faveur de Manet, des impressionnistes et de tous les autres. Il y avait quelque chose de sauvage, surtout dans le premier Cézanne, chez Cézanne qui l'effrayait un peu. Et ensuite, les aspects esthétiques de Cézanne l'ont interrogé. À la fin de ses jours, à la fin de sa vie, il a déclaré qu'il commençait à comprendre le génie de Cézanne. Alors, ils sont 2 amis, il faudrait en rajouter un troisième, c'est Baille, qui n'est pas resté dans l'histoire au même titre que les 2 autres. En tous les cas, tous les 3 aiment beaucoup les escapades dans la campagne d'Aix. Escapades d'ailleurs dont Zola va se souvenir dans son premier roman, La Confession de Claude, et dont voici un extrait lu par Jean Topard. Mon cher ami, je suis triste, bien triste depuis quelques jours, et je t'écris pour me distraire. Je suis abattu, incapable d'écrire 2 mots, incapable même de marcher. Je pense à l'avenir et je le vois si noir que je recule épouvanté. Pas de fortune, pas de métier, rien que du découragement. Personne sur qui m'appuyer, pas de femme, pas d'amis près de moi. Partout l'indifférence ou le mépris. Voilà ce qui se présente à mes yeux lorsque je les porte à l'horizon. Voilà ce qui me rend si chagrin. Je doute de tout, de moi-même le premier. Il est des journées où je me crois sans intelligence, où je me demande ce que je vaux pour avoir fait des rêves si orgueilleux. Je n'ai pas achevé mes études, je ne sais même pas parler en bon français, j'ignore tout. Mon éducation de collège ne peut me servir à rien. Un peu de théorie, aucune pratique. Que faire alors ? Et mon esprit balance, et me voilà triste jusqu'au soir. Alors ça, ce n'est pas comme annoncé l'extrait de son premier roman, La Confession de Claude, mais c'est une lettre à Cézanne qui vient un petit peu plus tard, du coup, dans la biographie de Zola, où on entend tout de même que Cézanne est pour Zola un ami extrêmement cher à qui il peut réellement se confier quand plus tard il va, comme on va le voir, aller à Paris. Oui, il y a une extrême complicité entre eux et les deux personnages ont souffert lorsqu'en 1858, Zola, à cause de la pauvreté familiale, est parti pour Paris. Ça a été d'abord pour lui une espèce d'exil pendant les premiers mois, et pour Cézanne, ça a été une perte, en fait. Alors à ce moment-là, il compense en s'écrivant ses lettres où il se confie et où peut-être malheureusement Zola a tendance à se prendre comme un grand frère, alors qu'il est en réalité le cadet. Mais face aux hésitations de Cézanne, au désespoir de Cézanne, etc., il lui donne des conseils et il l'invite à venir. Et il lui explique ce que sera une journée de peintre, d'apprenti peintre à Paris, combien ça coûtera, etc. Il lui dresse une espèce d'emploi du temps. Voilà, comme deux frères, absolument. Oui. Alors, il est allé à Paris avec sa mère. Vous dites que ça n'est pas du tout un Rastignac quand il arrive dans la capitale française. Au contraire, il va passer d'abord, après son bac, qu'il va d'abord commencer par rater, deux années qui sont des années de bohème et plutôt d'insouciance. Oui, bohème sans aucun doute. Hein, il n'a pas d'argent. Il habite un taudis de la rue Soufflot et de l'époque. Et puis, il ne cherche pas véritablement à trouver un travail rémunéré. Il lit et il écrit. Alors, qu'est-ce qu'il lit ? Des centaines de vers. Qu'est-ce qu'il lit ? Ah ben, il lit essentiellement Molière, Montaigne, Michelet. C'est assez éclectique, hein, mais et je pourrais en citer d'autres. Hein, ce sont ces noms-là qui apparaissent dans la correspondance. Mais il lit aussi Dickens. C'est une éponge. Et est-ce à ce moment-là déjà qu'il décide d'être un écrivain qui est résolument moderne, de vouloir faire une littérature qui lui soit contemporaine? Eh bien, pas exactement, parce que lorsqu'il quitte le lycée, il a la tête farcie de Musset. Hein, on s'est récité avec Cézanne et Baille des kilomètres de vers de Musset, de Hugo, de Lamartine. Et voilà, il a cette ascendance romantique en lui. Mais ce qui va véritablement le transformer, c'est son entrée chez Hachette. Mmh. Où il devient... est commis d'abord, voilà. Et ensuite chef de publicité. Alors qu'est-ce qu'il fait chez Hachette? Ça correspond à quoi? Il a commencé, dit-il, par faire des paquets pour envoyer les livres. Ce qui n'était pas négligeable d'ailleurs, parce qu'il faisait plaisir aux critiques auxquelles il envoyait les livres. Et comme il tenait un bon petit carnet d'adresses, ça l'a servi pour un peu plus tard. Mais on a repéré chez Hachette son intelligence, ses qualités, et on lui a confié ce rôle de chef de la publicité, attaché de presse, comme on dirait maintenant. Oui. Et là, il découvre la littérature contemporaine, ne serait-ce que parce que Hachette publie des auteurs très contemporains sur le plan philosophique, disons, et il découvre le monde de la critique, et il va faire son chemin à partir de là. Et comment se fait alors l'entrée véritablement en littérature ? Oh, elle se fait très tôt. Elle se fait, évidemment, il a publié des milliers, enfin il n'a pas publié, il a écrit des milliers de vers, il a écrit des contes d'enfants, tout ça est resté dans les archives. Et surtout, il a découvert la prose. Il a compris que s'il voulait se faire une carrière et s'il voulait écrire comme il l'entendait, il lui fallait passer à la prose. Et il a commencé par un recueil de contes à 24 ans, en 1864, Les Contes à Ninon. Oui. Mais le titre, évidemment, sonne encore un peu son aspect Musset. Hein, est-ce que c'est sûr. Donc c'est pas du Zola, c'est Les Contes à Ninon. C'est pas du Zola et c'en est un peu déjà, parce qu'il y a là quelques pages assez chargées de secrets. Il y a du fantastique, il y a un œil déjà critique sur le monde. Enfin voilà. Mais le premier roman, c'est La Confession de Claude. C'est vrai. Qui est à la fois inspiré par la confession d'un enfant du siècle, mais en plus amer, en plus acide et en plus dramatique déjà. Alors, on a évoqué tout à l'heure le rapport de Zola avec les femmes. Dans la lettre qu'il a envoyée à Cézanne, il disait qu'il se sentait bien seul et bien célibataire. Quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard même, il va se marier. La couleur de ce mariage, au départ, est assez grise. On a dit de Zola que c'était un être essentiellement chaste. Comment s'est passé le ménage de Zola avec sa femme ? Chaste, je n'y crois guère, mais comme il n'a jamais rien raconté, comme il n'a pas laissé de mémoire, etc. C'est ce que dit Armand Lanoux dans la préface de la Pléiade. Oui, oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on disait à l'époque. Il n'est pas chaste du tout, puisque en 1861, il noue une intrigue avec une femme, une jeune femme, comme on en trouvait dans les cabarets du Quartier Latin à l'époque. Et c'est là, dit-il, que j'ai découvert l'amour réel. Mmh. Oui, bon, il y a sa cutie, comme on dirait, qui apparaît. On ne connaît pas sa vie intime dans ces années-là. Il y a rien. La correspondance, c'est des correspondances d'amitié, d'affaires, etc. Donc, il faut attendre 1864 pour qu'il rencontre la jeune femme qui va devenir sa femme. Mmh. Et en 1864, se noue une liaison définitive avec Alexandrine Meulet, qui deviendra Alexandrine Zola. Mmh. En réalité, elle se faisait d'abord appeler Gabrielle, et puis elle a changé de prénom, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et il va l'épouser en 1870. Mais alors, est-ce que c'est un mariage heureux ? Ça a été longtemps un mariage heureux, je crois. Mais là, vous posez une question qui devrait nous amener justement, ou nous ramener à la crise de 1887. Bien entendu. Alors là, il y a des choses effectivement à dire. Alors, disons-les. Non, mais il faut pas... On serait tenté de, malgré soi, de caricaturer les choses. Il faut être très, très prudent. Vous avez écrit 3000 pages de biographie en expliquant que c'était pas du tout suffisant pour expliquer ce qu'il fallait dire sur Zola, donc on imagine bien que vous êtes dans la nuance, Henri Duterte. Oui, non, mais il y a encore là, les 3000 pages de biographie, elles ont été écrites il y a 20 ans et 25 ans bientôt. Et depuis, on a travaillé, on a réfléchi, et je pense que la biographie, elle est trompeuse. Les réalités intérieures de Zola nous échappent, et c'est un personnage qui a longtemps médité sur lui-même, sur ses troubles, sur ses insatisfactions, et ça apparaît, ça explose en 1887. Il y a des pages des dossiers préparatoires du rêve où il évoque un homme de 40 ans qui se retourne sur sa vie et qui se demande s'il ne l'a pas manqué et qui dit le travail, tout cela, ça ne vaut pas une jeune fille qui passe devant moi. C'est étonnant comme aveu. C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, si vous voulez. Mais même c'est les grands écrivains. C'est resté enfoui dans un dossier qui n'était pas destiné à la publication. Et comme par hasard, un an plus tard, il rencontre cette jeune Jeanne Rosereau qui deviendra sa femme. Oui. Sa femme aussi. Hein. Sa seconde épouse. Et avec qui il aura une fille. Pardon ? Et avec qui il aura un enfant ? Et il aura deux enfants. Deux enfants. Mmh. Deux enfants, une fille qui naît en 1889, Denise, et un fils qui naît en 1891, Jacques, que j'ai connu moi d'ailleurs, il y a très longtemps, qui était médecin, un homme admirable à tout point de vue. Alors en octobre 1871 paraît le premier tome des Rougon-Macquart, et Flaubert lui écrit « Vous avez un fier talent ». Ça ne doit tout de même pas être tout de suite la réussite pour Émile Zola. Il va falloir un petit peu de temps pour que les Rougon-Macquart s'installent. Oui, il faudra un peu de temps jusqu'à l'Assommoir, en somme. Mais la fortune des Rougon, c'est un de ses chefs-d'œuvre. C'est mal connu parce que c'est le premier tome. Tout ça a été effacé par le succès de La Terre, de L'Assommoir, de Nona, etc. Mais c'est un très, très beau roman, historique, romantique encore, et stylistique. Hein. Il y a des pages merveilleuses. Allez-y. C'est là qu'on voit que Zola n'est pas seulement un cracheur de copies inspirées de Taine ou de Claude Bernard, etc. Mais c'est un homme qui a la musique verbale dans la peau. Et ben c'est avec cela qu'on recommencera cette émission en seconde partie avec vous, Henri Mitterrand, juste après la chronique de Tiphaine Samoyau. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Tiphaine Samoyau de la revue littéraire en ligne En attendant Nadeau. Bonjour Tiphaine. Bonjour Mathieu. Zola, c'est un auteur que vous relisez parfois ou qui peut constituer pour vous une référence? Oui, bah, y a tellement à lire qu'on n'a jamais fini. Mais c'est vrai, vous insistiez, Henri Mitterrand, sur le côté romantique de Zola. Maintenant, c'est celui que je préfère. Avant, j'aimais bien son côté naturaliste et mythographe, parce qu'au fond, c'est un grand mythographe. Pourquoi ? Il a quand même un sens de création de mythes. Je sais pas, la bête humaine, qui est un texte que j'ai adoré autrefois, ou Nana, sont des textes qui construisent des mythes, au fond, plus que vraiment réalistes. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est peut-être davantage justement La fortune des Rougon, ou un texte que j'ai lu il y a pas très longtemps, et je trouve qu'il fait aussi écho avec le rapport aux politiques d'aujourd'hui, c'est La conquête de Plassans, ce qui s'est passé il y a deux ans en France. Plassans, c'est Aix-en-Provence, hein. Oui, c'est la ville qui est censée figurer Aix-en-Provence. Sans doute que ça fait écho justement à son enfance et avec les affaires de son père, etc. Mais c'est vrai que c'est un texte qui décortique les arcanes du politique, de la vie politique, de façon très savoureuse. Et puis romantique aussi son rapport au journalisme, la liaison étroite en fait qu'il élabore entre littérature et politique, qui est quelque chose auquel on est moins attaché quand on présente Zola de manière scolaire, mais qu'on découvre au fur et à mesure et qui est tout à fait passionnant. Ouais. Alors Tiphaine, vous avez intitulé votre revue en ligne En attendant Nadeau, en hommage évidemment à Maurice Nadeau, le critique et éditeur qui avait fondé en son temps La Quinzaine littéraire, mais qui avait également écrit pour le journal Combat. Et ce sont ces articles-là qui sont parus sous le titre 60 ans de journalisme littéraire, avec une préface de votre main, Tiphaine, et dont, alors ce n'est pas vous qui en rendez compte dans En attendant Nadeau, c'est l'un de vos confrères, mais vous souhaitez nous en parler aujourd'hui. Oui, donc on va mettre cet article de Jean-Pierre Salgas à la une de notre numéro qui sort mercredi. Évidemment, notre titre est un clin d'œil à Maurice Nadeau, mais c'était aussi l'idée de donner de l'avenir à sa mémoire. Et donc là, quoi de mieux que l'ensemble de ces articles parus dans le journal Combat, donc juste après la guerre, au moment où Camus est le principal éditorialiste de Combat, moment où le journal sort de la clandestinité à partir de 44, pour devenir vraiment un organe important issu de la résistance. Et alors ces chroniques sont passionnantes. Au départ, Nadeau n'est pas spécialement, pas spécialisé dans la critique littéraire. Il s'occupe aussi d'affaires culturelles en général, mais parfois politiques, judiciaires, pour ensuite s'inscrire comme le principal critique littéraire de ce journal. C'est une époque de refondation, une époque de redéfinition des valeurs. Et alors c'est très intéressant de voir comment la critique a un rôle à jouer pour reconstituer la communauté, pour recréer des liens, pour essayer de nommer ce qui n'existe pas encore. Il s'interroge, est-ce qu'il faut parler de littérature de la résistance, littérature des camps? C'est par exemple la première fois qu'on a cette occurrence du terme littérature des camps, qui va faire fortune jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, on ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas. Donc il y a quelque chose de très puissant à voir la manière dont la critique contribue à ce travail des valeurs, de refondation des valeurs, et dans lequel d'ailleurs Camus joue un rôle essentiel, on voit bien. Et évidemment Sartre aussi, que Nadeau considère à sa juste valeur avec Beauvoir. Donc ils battent le fer de temps en temps sur une certaine conception de la critique ou une certaine conception de l'engagement. Donc Nadeau a été engagé dans la résistance aux côtés des trotskistes, il est toujours résolument anti-stalinien, donc il y a des batailles comme ça qui peuvent avoir l'air d'appartenir vraiment à une histoire ancienne. Mais en revanche, ce qui n'appartient pas à l'histoire ancienne, c'est la capacité de la critique à faire du lien Ça, ces chroniques nous le montrent vraiment très bien. Puis aussi, bon, une chose que je trouve très frappante, c'est que si vous regardez aujourd'hui la liste des prix Goncourt depuis l'origine, on s'aperçoit qu'à peu près 80% des textes qui ont eu le prix Goncourt ont disparu dans les limbes et qu'on ne connaît plus les noms de leurs auteurs. Là, quand on lit ces 1500 pages de chroniques, il y a très très très peu d'auteurs auxquels Nado s'intéresse qui ont complètement disparu dans l'oubli. Il y en a quelques-uns qui servent un peu de toile de fond sur lesquels se détachent les plus grands, mais il y a vraiment une sûreté du jugement qui est encore frappante aujourd'hui. On peut s'en rendre compte en lisant 60 ans de journalisme littéraire. C'est chez quel éditeur, Tiphaine? Ben, c'est les éditions Maurice Nadeau, que son fils a repris à la mort de celui-ci. Voilà. Merci beaucoup, Tiphaine Samoyo. À très bientôt. La Compagnie des auteurs, deuxième partie de cette première émission consacrée à Émile Zola. Nous sommes avec Henri Mitterrand, auteur de la biographie de référence sur l'auteur de La Fortune des Rougon, ce premier roman du cycle des Rougon-Macquart, dont voici un extrait lu par Pierre-Marie Baudouin. Tant que les enfants ne furent pas bacheliers, les époux qui les maintenaient au collège, grâce à d'énormes sacrifices, vécurent dans l'espérance de leur succès. Et même lorsqu'ils eurent obtenu leur diplôme, Félicité voulut achever son œuvre. Elle décida son mari à les envoyer tous trois à Paris. Deux firent leur droit, le troisième suivit les cours de l'école de médecine. Puis, quand ils furent hommes, quand ils eurent mis la maison Rougon à bout de ressources et qu'ils se virent obligés de revenir se fixer en province, le désenchantement commença pour les pauvres parents. La province sembla reprendre sa proie. Les trois jeunes gens s'endormirent, s'épaissirent. Toute l'aigreur de sa malchance remonta à la gorge de Félicité. Ses fils lui faisaient banqueroute. Ils l'avaient ruiné. Ils ne lui servaient pas les intérêts du capital qu'il représentait. Ce dernier coup de la destinée lui fut d'autant plus sensible qu'il l'atteignait à la fois dans ses ambitions de femme et dans ses vanités de mère. Rougon lui répéta du matin au soir « Je te l'avais bien dit ». Ce qui l'exaspéra encore davantage. Un jour, comme elle reprochait amèrement à son aîné les sommes d'argent que lui avait coûté son instruction, il lui dit avec non moins d'amertume « Je vous rembourserai plus tard si je puis, mais puisque vous n'aviez pas de fortune, il fallait faire de nous des travailleurs, nous sommes des déclassés, nous souffrons plus que vous. » Félicité comprit la profondeur de ses paroles. Dès lors, elle cessa d'accuser ses enfants. Elle tourna sa colère contre le sort qui ne se lassait pas de la frapper. À quoi pensez-vous, Henri Mitterrand, à l'écoute de cet extrait de La Fortune des Rougon? Ça me confirme dans l'idée que c'est un très beau roman. Heureusement, il a été mis au programme de l'agrégation il y a 2 ou 3 ans, et ainsi ce roman a pu refaire surface. Qu'est-ce qui fait la beauté de la prose de Zola? Deux remarques, mais il y en aurait 50 à faire. D'abord, La Fortune des Rougon, c'est le premier des Rougon-Macquart, et vous voyez les deux personnages de père dans ce roman sont des personnages qui sont l'objet d'une espèce, non pas de répulsion, mais de questions et même de mise à distance. Il y a le personnage qui est à l'origine même des Macquart, ce contrebandier qui a fait à la grand-mère de toute la fratrie, qui a fait 2 enfants, et alors que un autre père, Rougon, qui était le père officiel, si vous voulez, en avait fait un certain nombre aussi. Donc il y a là des personnages qui ont un aspect assez noir et en tout cas assez mis à distance, effectivement, négatif. Et puis il y a Pierre Rougon. Pierre Rougon qui est entre les mains de sa femme, qui est manipulé par elle, et qui en réalité n'a qu'une idée, c'est de profiter de la révolte des paysans du Var contre Napoléon Bonaparte pour se faire lui-même une carrière, qui va trahir son demi-frère. Enfin, c'est un personnage assez... on a de la compassion d'un côté, mais on a une espèce de mépris pour lui. Eh bien, ces deux personnages de père, moi, me font problème, d'autant plus que dans la suite, il y aura aussi cette même distance. Hein. Alors, est-ce que je peux voir l'image négative, mise en procès, disons, hein, dans l'inconscient, tout ça, hein, ça n'est pas... Il n'oserait jamais dire les choses telles quelles, mais... Voilà, le roman parle. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que quand vous lisez le début de La Fortune des Rougon, le premier chapitre de La Fortune des Rougon, à bien le lire, un cimetière. Hein, à se l'écouter, hein, à se le réciter en lisant, on a l'impression d'être dans une ouverture d'opéra. Les deux personnages apparaissent comme ça, comme toujours à l'opéra, vous savez, le héros qui entre en scène, etc. Et puis, ils partent en promenade, hein, le long de, dans la campagne aixoise. C'est une pétrie de poésie. Et à un moment donné, éclate la Marseillaise, hein, chantée par tous ces révoltés qui ont pris les armes. On est dans un opéra romantique. Est-ce que ça veut dire aussi que Zola, c'est du grand spectacle ? Ah, Zola, oui, Zola fait du grand spectacle avec ses romans, sans aucun doute. C'est d'ailleurs ce qui fait une part de leur succès. Mais c'est pas pour cultiver je ne sais quel dramatisme, ou alors pour faire pleurer Madelon. C'est parce que son univers sonore, son univers langagier est un univers symphonique. Hein. Mmh. Quand vous lisez Zola, vous avez affaire, souvent, pas toujours, mais à une espèce de symphonie verbale. Il suffit de lire Germinal aussi pour s'en rendre compte. En tout cas, il faut se rendre compte aussi de l'immensité de ce projet des Rougon-Macquart, Henri Mitterrand. C'est une fresque presque totale, comme l'opéra est un art total. L'histoire d'une famille et de ses ramifications sur plusieurs générations. C'est 20 volumes et c'est 20 années de la vie de Zola. Oui, ces 20 années de la vie de Zola, on pourrait un peu superficiellement considérer qu'elles se confondent totalement avec la rédaction des Rougon-Macquart. Il ne faut tout de même pas oublier qu'au cours de ces 20 années, il a été un personnage, un acteur, et un acteur dramatique de beaucoup des crises privées et public qui secoue le pays à ce moment-là. Ça commence avec la chute de Napoléon III et ensuite la Commune. Ça continue au moment où il se livre à une critique féroce de la République parlementaire des années 80. Mais parce qu'il n'y a pas que J'accuse, il y a eu beaucoup de choses avant. Absolument pas. Ça va continuer en 1885 quand il va écrire un pamphlet, mais d'une... brutalité, d'une sévérité terrible à l'égard de la magistrature française qui a laissé mourir un écrivain de 24 ans parce qu'il avait écrit un roman un peu leste, hein, racontant les amours d'un curé de campagne et de l'institutrice. Immédiatement, la censure a frappé. On a traîné ce Louis Després devant les tribunaux. Il a été condamné et il est mort de phtisie, hein, à la suite de cet emprisonnement. Et il y a une page terrifiante là-dessus. Et puis, il va se battre aussi contre Boulanger. Enfin, vous voyez, sans arrêt, il est dans l'histoire. Ouais. Et alors, d'un point de vue littéraire, c'est évidemment aussi une révolution. Il a 20 ans de moins que la génération des Flaubert et des Goncourt. On parlera du naturalisme plus particulièrement jeudi prochain dans cette émission. Mais il faut quand même dire un petit peu en quoi l'arrivée de Zola, tout de même, est un événement dans le monde littéraire, Henri Mitterrand. Oui, c'est un événement... peut-être un tant soit peu tardif, hein, par rapport au bruit que les romans de Flaubert ont fait quand ils ont paru, par rapport aux anecdotes mondaines qui accompagnaient la rédaction du journal des Goncourt. Mais lorsque Zola écrit L'Assommoir, effectivement, on s'est dit, tiens, voilà quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça scandalise, ça a scandalisé la critique. Et voilà, il y avait cette irruption du langage populaire, cette irruption des personnages populaires, de la vie quotidienne, hein. Pas seulement des personnages stéréotypés, mais comme on le disait, comme vous le disiez, Tiphaine, voilà, la vie au jour de le jour, hein, le travail du zingueur, l'anniversaire de Gervaise, qui est une scène absolument épique, hein. Et c'est là qu'on entend le rythme de Zola quand il écrit. Alors tout ça a beaucoup surpris, hein, à tel point que la critique académique s'est beaucoup fâchée. Oui. Alors quel est le sommet pour vous de ces Rougon-Macquart? Est-ce que c'est Germinal comme on a tendance à le penser d'ordinaire? Germinal est arrivé en tête, je crois, de l'intérêt et de l'admiration que le public du XXe siècle et du XXIe a porté à Zola. Mais il n'a jamais été le premier dans les courbes de vente. Hein. La Terre l'a dépassé, L'Assommoir l'a dépassé, Pourtant, Nana la Terre, l'a dépassé. C'est un livre qu'on lit moins aujourd'hui. Autant on lit encore L'Assommoir et Nana, mais Germinal donne le sentiment que c'est le grand roman. Peut-être à tort, alors. Non, pas à tort. Non, absolument pas. Parce que c'est le roman qui d'une certaine manière, préfigure ce que sera la fin du siècle, préfigure même ce que sera la révolution russe dans les années 17. Hein. Il annonce ça. Hein. Il annonce que la Terre va trembler, la Terre va s'ouvrir, dit-il dans une correspondance, compte tenu des mouvements de grève, de la renaissance du socialisme à l'époque, etc. Donc c'est un roman prémonitoire sur le plan politique et social. Mais en même temps très critique, ça on le dit pas toujours. Très critique. Très critique sur quoi ? C'est une critique qui naît de la peur bourgeoise, d'une certaine manière. Il y a toute une génération à l'époque. Donc très critique aussi du monde ouvrier. Critique, pas tellement du monde ouvrier, mais plutôt des idéologues anarchistes, socialisants, etc. Il est toujours très sceptique et très distancé par rapport au discours qui peut se tenir dans ces milieux qui préparent la révolution pour le lendemain. Vous voyez, alors Germinal, c'est voilà, il y a à la fois un intérêt massif pour le socialisme en germe, hein, pour le mouvement ouvrier, et il y a cette espèce de recul devant les catastrophes qui vont en surgir. Germinal, c'est 1885, Henri Mitterrand. Quelques semaines après la publication du livre, Victor Hugo va mourir. C'est vrai que Les Misérables et Germinal, ce sont un peu les deux grands romans du peuple au XIXe siècle. Absolument, c'est vrai. Oui, oui, simplement, Zola était assez critique à l'égard de Hugo et même des Misérables, parce que il reprochait à Hugo cette espèce de sentimentalisme à l'égard des misères du peuple, ce côté un peu prêchant, voilà, aller au peuple, défendre la malheureuse Fantine, etc. Et il a toujours été assez distancé par rapport à Hugo, tout en l'admirant beaucoup d'ailleurs. Et puis il y a aussi le célèbre J'accuse. Lettre à Monsieur Félix Faure, président de la République. Monsieur le Président, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'Alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom, j'allais dire, sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus. Un conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Une lecture par Guillaume Gallienne. Les dernières années de la vie de Zola sont donc évidemment marquées par cette affaire Dreyfus, dont on parlera plus particulièrement jeudi. Pour vous, qu'est-ce qui est vraiment à retenir? Qu'est-ce qui est très important du point de vue de la biographie de Zola avec cette affaire Dreyfus? Si j'accuse. Vous voulez dire le texte en lui-même? Le texte en lui-même qui a probablement transformé les données mêmes du jeu politique et juridique aussi de l'affaire Dreyfus. Il a changé la France, Zola, à ce moment-là? Oh, je ne sais pas s'il a changé la France, mais il l'a fortement ébranlé. Mmh. Pourquoi? Peut-être parce que ça n'est pas un banal réquisitoire, hein, ça n'est pas un banal article politique comme il s'en écrivait beaucoup à l'époque. Il y a des quantités de gens qui avaient la même conviction que Zola sur l'innocence de Dreyfus. Mais ce qu'il apporte là, c'est un texte d'écrivain, de grand écrivain, qui met tout son style, toute sa sensibilité, tout son éclat oratoire et en même temps tout son sens oratoire. Hein. C'est comme ça que J'accuse a fait mal à l'époque. Il faut lire aussi la péroraison de J'accuse. Ouais. Ça explose, hein, c'est pas comme un, là aussi comme un final d'opéra. Alors, à cause de ce J'accuse, Zola est condamné à un an de prison, 3000 francs d'amende par la cour d'assises de la Seine. Il va s'exiler en Angleterre, d'où il reviendra un an plus tard, en 1899. Et puis, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, il faut dire bon d'abord que Zola va mourir dans des conditions encore un petit peu troubles, hein, et tout fait dans son appartement. Certaines personnes parlent d'un assassinat. Qu'en pensez-vous, Henri Mitterrand? C'est sans aucun doute un acte criminel. Les enquêtes qui ont été faites ces années dernières, en particulier par Alain Pagès, montrent très bien que c'est un acte de malveillance délibéré. Moi, je ne parlerai pas d'assassinat parce qu'il n'est pas sûr que ça ait répondu à la volonté de tuer. Mais cet acte qui a consisté à boucher la cheminée des Zola était destiné à l'enfumer. Mmh, oui, c'est ça. À l'enfumer, tout simplement. Et il a mal tourné. C'est donc un crime, il n'y a aucun doute. C'est une mort criminelle. Et alors, après les Rougon-Macquart, il y a eu une autre série de romans dont on va dire ici un mot assez court parce que malheureusement on n'a pas beaucoup le temps, mais je voudrais qu'on les évoque quand même. C'est les quatre évangiles. Alors là, on a l'impression qu'après les Rougon-Macquart, on part dans totalement autre chose. De quoi s'agit-il? Ben, on est passé, oui, c'est vrai qu'on est passé à autre chose après les Rougon-Macquart. Zola a écrit 20 volumes sur l'histoire d'une famille qui lui paraît typique de l'évolution de la société française, mais Il change d'optique et il commence par écrire les trois villes, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire le roman de la famille, il va écrire le roman des villes, pas n'importe lesquelles, Lourdes, Rome, Paris, ça répond aux événements, aux secousses de l'actualité. Et alors ensuite, ben il va compléter ça, il va compléter son itinéraire en ne parlant plus ni du passé, ni du présent, mais de l'avenir, en imaginant une espèce de gigantesque histoire utopique de ce que sera à ses yeux le XXe siècle. Les trois romans sont fécondité, problème de la natalité, travail, le problème du changement des conditions de travail avec une espèce de vision préexistante de ce que serait possiblement un régime socialisant, et enfin vérité inspirée par l'affaire Dreyfus. Il y en avait un quatrième, il est mort avant de l'écrire, c'était justice. Mmh. On voit bien ce que signifient les titres. Mais quelle est l'évolution aussi de la sensibilité de Zola qui passe d'un positivisme total à un rapport avec le sacré qui est différent, un rapport avec le non compréhensible qui est nouveau pour lui? Oui, vous avez raison. Quand on lit par exemple Rome dans les trois villes, on s'aperçoit qu'il a été profondément troublé, secoué intérieurement par tout ce qu'il a vu et entendu à Rome, non seulement par ses conversations avec la société, mais par ses visites d'église. Il découvre Michel-Ange. Il découvre la transcendance. Il découvre peut-être un peu la transcendance aussi. Alors, avec les quatre évangiles, ce sera plutôt une transcendance sociale. Mmh. Il rêve d'un personnage qui, par son charisme, va pouvoir régénérer la société. Merci beaucoup Henri Mitterrand, il y aurait évidemment encore énormément à dire. On peut renvoyer les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur votre magnifique magistrale biographie en trois volumes publiée aux éditions Fayard. Cette émission a été rendue possible par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Jordan Fuentes. Demain, nous continuons d'explorer le continent Émile Zola. Ce sera avec Émilie Piton-Foucault qui nous proposera sa lecture des Rougon-Macquart. Mais pour l'heure, sur France Culture, on retrouve la poésie, choisie et lue chaque jour par Jacques Bonafé. Je pense que l'Indien du Pérou mâchant la feuille d'un arbuste pourrait courir toute la journée. Moi aussi, avec quelques vers, rien que deux ou trois, je serais capable de tenir toute la journée, dit Charles Reznikov dans un de ses poèmes qu'on trouve dans Inscription parue chez Nous. La poésie, on ne sait pas ce que c'est, mettons. Non, c'est un postulat, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. On peut se caler, bien sûr, sur la rime, la métrique, la musique ou ce qu'il en reste, le désir de produire une musique. Non, le désir de produire une attention particulière sur la musique, le choix des mots, hein, le choc des phonèmes, l'assonance et sa descendance. Ou prendre du recul, un air dégagé, un peu de hauteur. La poésie, c'est un texte court où l'on évitera de trop faire peser ce souvenir des règles. La prose y promenant une allure nonchalante et recherchée. Oui. Les sentiers battus, sentant encore l'humus, on cédera souvent à la nostalgie. Mais tous les textes courts ne font pas un poème. Au risque de l'attiédissement généralisé, nous regardons les textes courts avec attention. Nous les regardons avec l'oreille. D'où Reznikov. Inscription. Écoutez, marchant le long de la grande route, je respire les fleurs jaunes d'un arbrisseau. J'écoute les étourneaux sur une pelouse, peut-être. Mais pourquoi toutes ces automobiles qui foncent? Où vont-elles si pressées? Elles doivent aller écouter les hommes sages et regarder de belles femmes. Je ne suis qu'un idiot de traînasser seul ici. C'est issu du chapitre « Ça et là », biographie New York. C'est à la bibliothèque d'Union Cooper, page 35. Hommes et femmes avec des livres ouverts devant eux. Ils ne tournent jamais de page. Ils viennent pour la chaleur, pas la lumière. Autre texte. Je suis seul et content d'être seul. Avec son poids anecdotique et prophétique, on continue Charles Reznikov. Je suis toujours surpris de croiser, 10 ou 20 ans plus tard, ceux qui étaient pauvres et stupides, toujours pauvres et stupides, bien sûr, mais vivants. Malgré les guerres, les fléaux et les paniques, vivant et bien. Est-il possible qu'il y ait un père dans les cieux, après tout? Charles Reznikov est l'objet de bien des attentions, de bien des traductions. Dernièrement, André Markovitch avec « La Jérusalem d'or » aux éditions 1. Charles Reznikov est cet Américain qui, comme William Carlos Williams, part d'une photographie évidente de la vie. C'est l'école objectiviste. Prenez un chat, par exemple. C'est vrai, on ne parle pas assez des chats. Qui se préoccupe de parler vraiment des chats et de nous émouvoir encore sur ces mignons-là? Personne. Des chats, pas des clochards, des chats. Le chat blanc sur la pelouse, allongé au soleil contre la haie, adorable à voir. Mais ce solide gaillard qui a grand besoin de se raser, appuyé contre une tonnelle où pendent des grappes, du raisin noir autour de lui est désagréable. Est-ce que je deviens misanthrope, athée? Ma foi, cela pourrait être le dieu Bacchus. Jacques Bonafé, merci, vous nous lisiez cette semaine, vous allez nous lire d'ailleurs toute la semaine, des textes de Charles Reznikoff.